وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِ Les avertissements vinrent certes aux gens de Pharaon. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ Ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ Vos mécréants sont-ils meilleurs que cela ? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous ? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ Ou bien ils disent « Nous formons un groupe fort et nous vaincrons. » Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. L'heure plutôt sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira « Goûtez au contact de Saqqar, la chaleur brûlante de l'enfer. » Nous avons créé toute chose avec mesure. Et notre ordre est une seule parole. Il est prompt comme un clin d'œil. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir ? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ Et tout fait, petit et grand, est consigné. Les pieux seront dans des jardins et parmi les ruisseaux. Dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent.